Sweat is a chill, and I want a certain eye. Atlantis. Pas tout compris. Vas-y. Thank you. après. J'ai pas compris la fin. Juste la fin à 25 là. Là. Ok. Ok. You're very loud. Ah. Okay. Attends. Just a minute. Is it better? T'as pas joué la dernière note, salaud. Est-ce que ça va mieux là? Attentis. The volume of my bass. Ok, sympa, ok. Let's dance. Put the drum in me. Me? Put the drum? Ah non, mais attends, si tu... Ah oui, d'accord. A reggae, still? A reggae? J'ai pas de reggae, non. I don't have reggae. We'll be right back. 오케이. J'entends même pas là. Ouais, moi aussi, je m'en vais. Bye. Possible ce son de merde que j'ai là. There's a problem with my bass volume. When I play bass, could you give me the volume of my bass of dB? Ma gueule. Just a minute, I try something. Moins 24. Bah oui. Mais he say my bass is too loud. Loud, ça veut dire trop fort, non? If you say too loud en français c'est trop fort. You speak French a little or not? I hear a buzz. What is this sound? Your mic make a buzz. Oui. Don't stop to play your guitar. If you want to play your song, if you want to play your song. Oh, c'est joli ça. Your song is very nice. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. J'entends pas la batterie. Pourquoi j'entends pas la batterie? Where's the drum? Hey! Yes. C'est normal avec la latence, des fois ça peut. You must follow the metronome. We'll be right back. Heather, elle est belle ta chanson. L'Atlantis. J'entends un ange derrière. Thank you. Ouais, merci Atlantis. Elle est belle ta chanson. Atlantis, it's a great song. Para tocar, l'autre il a changé le truc. Ben, listen, guida. Ah ouais. Isn't she lovely? Yeah. Isn't she lovely? Oh. Isn't she lovely? C'est ça, c'est qui a joué la chanson là? Qui c'est qui a joué? Salute, salute. Thank you. Eh ben, ah oui, merde, faut voter. Pardon. Sorry. Voilà, c'est bon. Vas-y. Paratoka, la doigt se prendre. Jouer les deux parties. D'accord. Je ne vous entends pas jouer. Je ne vous entends mais pas du tout. Pourquoi vous ne jouez pas? Starting on the one. One. Pas 33, à one. La guitare basta, baxista. Isn't she lovely? Next. Ça. Thank you. You're wonderful, isn't you precious and part of me? Are you ready? C'est un Brésilien aussi qui s'appelle Atlantis. Isn't she lovely? version Rasta. Rasta man. Ah, y a Jean-Pierre en plus. Oh putain, Jean-Pierre qui arrive pour foutre le bordel. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Putain, il est fort lui avec sa guitare là. Je te baisse un peu parce que j'ai baissé le brésilien avec sa guitare. Allez! Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? It's my one minute gone. I never thought I would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Jean-Pierre, tu joues ou tu joues pas? Allez, Jean-Pierre, sors la batterie. Je t'entends pas, Jean-Pierre. Looking for the drummer.